Question 11. Dans ce tunnel hors agglomération, je pourrais circuler sans feu. Réponse A. En feu de position seul. Réponse B. En feu de croisement. Réponse C.